cette ulcère, c'est quoi cette ulcère autour de ton cou, autour de ton cou. C'est quoi cette ulcère, c'est quoi cette ulcère, c'est quoi cette ulcère autour de ton cou. C'est quoi cette galère, c'est quoi cette douceur, c'est quoi.